un amour de porte durée. Personne ne voit ce qui se passe dans les couloirs et les impasses. On peut s'aimer en creux et partir sans laisser trace. S'aimer en crever, partir sans laisser de traces. Déjà nos mains vont se dénouer, nos vies vont reprendre leur place. Et le métro toujours bondé, personne ne voit ce qui se passe dans les couloirs et les impasses. On peut s'aimer en crever et partir sans laisser de traces. Personne ne voit ce qui se passe dans les couloirs et les impasses. On peut s'aimer en crever et partir sans laisser de traces. Personne ne voit ce qui se passe. We are entering into a experiment here. I've been trying to get a sequence of songs according to the ABC, like the ABC Murders by Agatha Christie's. We'll have the ABC Chansons by Bonjour Minnesota. So basically, I mean, the idea is to go down the list and then have them present songs by artists of the various whose last name or scene name starts with the letter that follows the alphabet. All right. So, and this one here, when looking through all of the chansons, possible chansons, I found the women, female singers, are vastly underrepresented. You go into a store, you go into a collection of CDs, and they're overwhelmed by the male singers, except for such great voices like Edith Piaf, Mouskouri, Gréco, and so on. So I thought, well, let's see if we can't come up with a list exclusively of women. So far, I've been able to get down to L. And I will speak about this later on. We need the help of the audience. We need a female singer whose name, at least, or the first or second or given name starts with an O. We have L, we have the M's, we have the N's, but we don't have an O. And then the P is, of course, we have Piaf, etc., Paola, and all. But there are a few that are kind of, that we're trying to figure out

excusez du peu, le ciel s'est arrêté. Regarde tous ces visages inquiets, levez les yeux au ciel, les hommes se consument sous le soleil, où seuls les oiseaux dansent s'ils perdaient leurs plumes. Moteurs aux arrêts, le temps est suspendu, il ne faut pas tomber, il n'y a plus de départ, pas plus que d'arrivée. Tout un siècle se tait. Regarde tous ces visages inquiets, levez les yeux au ciel, les hommes se sous le soleil, où seuls les oiseaux dansent, tous les hommes tremblent, nus dans le silence. Moi j'y pense. It's the travel agency. Travel by train, by air, by boat, sea. Travel by motor car. Pas d'avant, pas d'après. Le temps est suspendu, il faut se résigner. Attendre encore, attendre, c'est mon corps, un coup près. Dans un nuage de cendre, étrange gravité. Regarde tous ces visages inquiets. Levez les yeux au ciel. Les hommes se consument sous le soleil. Seuls les oiseaux dansent, tous les avions tombent, là dans le silence. Moi j'y pense, humble d'un grand bleu que rien ne vient changer. Excusez du peu, le ciel s'est arrêté. Attendre encore, attendre, levez les yeux au ciel. Single ticket to... It's time for some live music. This Wednesday, April 30th, as KFAS Live from Studio 5 presents Live from Studio 5 Live at the Nomad, a music showcase and fundraiser for KFAI, featuring the music of Hot Cellars, Breakfast Anytime, and Some Pulp. Join us for a live broadcast and bring your dancing duds for the video. This Wednesday, music starts at 9 at 501 Cedar Avenue in Minneapolis, the Nomad. This coming Sunday is the annual May Day Parade in South Minneapolis. Join KFAI as we broadcast live from Cedar Field with our pre-parade special. I'm Yvette Howie. And I'm Dave Roberts. Dave and I will be your hosts as we hang out with the marchers at Cedar Field. We'll have music, features, and interviews as the marchers get ready and the excitement builds. Our broadcast begins at 10 a.m. Sunday and runs until the parade begins at noon. Come out and enjoy the annual May Day Parade on May 4th. And listen to KFAI's pre-parade special, the perfect way to celebrate spring. Barbara, who was very popular and actually sang in most of the exclusive venues like the Olympia and other very large grand salles, always has a little melancholic trait in her songs. So this one is somehow or other plaintive request to be remembered and to ask, Dee, quand reviendras-tu? When are you coming back? And then she reminisces about how they were together and waiting for him to come back. Well, hope he does. The other one is Barbara Carlotti, and she sings Les Yeux au Ciel. And she sings about how everyone looks up to the blue sky, and how they nothing actually has changed, but they look up to the blue sky, and then you hear this voice of the announcer or ticket seller who sells tickets to the train and so on to go. But anyway, she says, "Look at all the faces where they are turned up to heaven. I mean, to the sky, and to see the blue sky. Well, I mean, here you can turn up your face all you want, and all you see is rain." But next week, I hope by next week, we should maybe then be able to comment on this song in a little more positive way. Merci, Olaf. Bon, alors, maintenant, on va vous faire entendre l'interview, un des interviews que j'ai fait printemps dernier à Paris. C'est une jeune femme qui s'appelle Justine. Elle est artiste et vous allez trouver qu'elle est très intéressante quand elle parle rapidement. Mais là voilà, Justine, artiste en peinture, elle fait la peinture qu'elle sculpte avec les mains et elle voyage beaucoup. Et là voilà, Justine. Well, we still have a little bit of gremlins in our system, but that will come up, and we have the interview that Karil is trying to send out is one that she had with a artist in where did you take the in what city? Bon, c'était à Paris. In Paris, in one of the hotels. Je l'ai rencontré dans l'hôtel même. Okay. Elle était là pour prendre son petit déjeuner, je crois. Elle habitait dans le quartier. So, and she is a modern painter who paints, sculpts the painter's pictures with her hands. In part, I mean. So let's see if we can get this on. D'accord. Bonsoir. On parle avec Justine, une jeune Française ici à Paris. Justine, il faut nous dire votre nom complet. Mon nom, c'est Duhayon, D-U-H-A-Y-O-N. De Lille. Alors, c'est par hasard qu'on s'est rencontrés à l'hôtel, mais Justine est vraiment artiste. Qu'est-ce que vous faites comme artiste? Alors, je suis artiste peintre, mais je mêle pas mal de sculptures. C'est entre la sculpture, au final, et la peinture. Mais je suis aussi donc écrivain, poète. J'écris des poèmes en anglais. Je suis en train de terminer mon premier livre en ce moment. Donc, vous êtes bilingue? Oui. Et vous m'avez dit avant que vous voyagez un peu partout. Où est-ce que vous avez voyagé? Alors là, dernièrement, j'ai plus souvent été aux États-Unis, où j'ai été assez souvent j'étais à New York, j'étais à Boston, j'étais à Miami, j'étais à Los Angeles, à San Diego. Je m'apprête à aller à Las Vegas et à Dubaï prochainement aussi. Sinon, j'ai commencé à voyager dès l'âge de 14 ans, donc assez jeune. J'étais en Thaïlande, en Mongolie intérieure, en Chine. J'ai fait le tour du Canada. J'ai fait pas mal de choses. Bon, après, j'ai visité d'autres villes comme Washington, Philadelphie, intérieur des États-Unis. Et je dis aux auditeurs qu'elle est jeune. Jeune et belle. Elle est très jeune. Aussi, vous avez des voyages que vous allez faire, Justine? Là, Les prochains voyages qui sont prévus, ce serait donc Las Vegas au mois de septembre et Dubaï. À Dubaï, ouais. Même. Oh là là. J'ai un agent à Dubaï donc pour donc qui vend mes tableaux quoi, et qui est en train de m'organiser donc une exposition. Formidable. Je n'ai pas encore de date précise, mais ça devrait arriver après mon exposition au Grand Palais. Je vais exposer deux de mes tableaux au Grand Palais à Paris au mois de décembre, et ça devrait tomber après. Il faut nous dire le site internet pour nos auditeurs où ils peuvent regarder toutes vos créations. Oui, toutes. Alors, allons-y. Alors, www.justine, donc Justine avec un E à la fin, tiré Duhayon, Duhayon.com. Et qu'est-ce qu'il y a à ce site? Alors, sur ce site, on retrouve donc toutes les informations sur mes dernières expos ou mes prochaines expos, mes interviews aussi. J'ai eu quelques interviews, notamment à Londres et à New York aussi. Et après, donc, il y a mes deux séries. J'ai commencé à peindre il y a 2 ans et demi, donc il y a ma première série que j'avais, qui m'a lancée, et la dernière sur laquelle je suis encore en train de travailler, enfin, en train de terminer, que j'expose. Vraiment incroyable. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer un peu sur votre art, les tableaux? Qu'est-ce que vous faites? Vous dites sculpture et tableau, mais dans quelle en ville ou en quoi? Alors, c'est vrai que c'est assez délicat, en fait, de parler de mes tableaux. Pour ma dernière série, donc la série sur laquelle je suis en train de terminer, je peins uniquement avec mes mains. En fait, j'utilise différents matériaux. Notamment du plat, du mortier, enfin pas mal de matériaux que je mélange avec de la peinture acrylique, il peut y avoir un petit peu d'huile, j'utilise aussi de la bombe, donc des choses assez diverses, et je sculpte directement donc avec mes mains sur la toile. Donc c'est de l'art abstrait, c'est vraiment un jeu de matière et de couleur. En fait, c'est vrai que je travaille beaucoup dessus. J'espère qu'on va voir une exposition de tout ce que vous avez fait bientôt, peut-être aux États-Unis. Alors oui, on peut retrouver certains de mes tableaux dans une galerie à Chelsea, à New York, qui sont exposés en permanence. Donc je suis exposée en permanence dans cette galerie. Mm-hmm. J'expose aussi à Miami, pour ceux qui passent par la Floride. Et sinon, après, il y a Las Vegas. Pardon, où ça? Las Vegas. Donc à Las Vegas. J'ai une proposition donc pour une exposition à Las Vegas, pour exposer quelques-uns de mes tableaux justement au mois de septembre. C'est pour ça que je l'envisage comme mon prochain voyage. Mais il faut venir à Minneapolis-Saint-Paul parce que les deux villes s'intéressent beaucoup à l'art. Ben écoutez, je pense que vous ne me laissez pas le choix. Je passerai avec grand plaisir. Alors, je suis enchantée de parler avec vous, Justine. Et elle s'appelle Justine Duhayon, c'est bien? C'est bien ça, bonne prononciation. Et encore ses contacts. Alors, pour mon adresse, ça c'est mon adresse mail. Oui. Donc c'est contact@justine-duhayon.com. Merci beaucoup, Justine. C'est fascinant tout ce que vous faites. Mais c'est moi qui vous remercie. Au revoir. Well, we heard a very interesting interview that Karil had in her hotel in Paris, where she was staying. And basically what she had observed was that an exhibit of paintings was being organized and prepared. So she talked to the artist, and this was Justine Duhayon. And she is an abstract painter, she says, and paints with material. Basically, it's the material that she uses for her paintings and the colors. And she paints it, she applies them and paints with her hands. And she actually has exhibits in New York, she's in Las Vegas, and is going to have some, she's going to have it in Las Vegas in September, and quite a world traveler. So thank you for talking to such interesting people in Paris and France. She was interesting, quite young. Her studio was nearby. Moi, j'ai pas pu pris le email, le courriel. Est-ce que toi, tu l'as pris ou non? Non. J'ai www. Non, c'est pour les Justine Trey. Là, il faut le répéter, il faut que tu l'écoutes. D'accord. D'une façon très, très lente. Ouais. Chez toi, et puis dans ce cas-là, on peut le recopier. Mais là c'était trop vite pour moi aussi. Alors, voici une annonce. KFAI presents Worldwide Discotheque, a daring monthly adventure into the deep dance floors of Africa, the Caribbean, Central and South America, and beyond. DJs Steely Dan of Kinda Cloudy Radio and Brian Engel of Hot Pants and Hip Shaker blaze the trail with slices of Afrobeat, cumbia, salsa, samba, dancehall, and all manners of tropical funk, all vinyl to cut the sharpest and the deepest. Worldwide Discotheque, the second Friday of every month at Clubhouse House Jaeger, 923 Washington Avenue, Minneapolis. El Disco es Cultura. Voilà, on continue avec notre musique qui est basée sur A, B, C. Et on arrive à C. On a déjà joué Barbara Carlotti avec C. Maintenant, on va écouter Annie Cordy, C-O-R-D-Y. Bonbon Caramel, c'est une chanson assez connue. Et ensuite, pourquoi pas trois à la fois. Mais oui, c'est bien. Dalida, une chanteuse très populaire dans les années quoi, 70? 50, 70. Oui, elle va vous chanter Bambino. Et ça va être suivi par Lucienne de Lille, des années très lointaines passées. Elle va vous chanter le Monsieur au lilas. Un jour de la Martinique, nique nique tout pays. Une fille sympathique, tique tique, vient ici. Avec le charme et la grâce, un peu lasse de là-bas. Elle se fit une petite place comme ouvreuse au cinéma. Bonbon caramel, esquimau chocolat. Bonbon caramel, esquimau chocolat. Sa démarche diabolique, lique-lique, brille les cœurs. Son petit accent typique, pique-pique, fit fureur. Si bien qu'à la fin de l'entracte, le public manifestait. Indifférent au spectacle, toute la salle en réclamait. Mademoiselle, bonbon caramel, esquimau chocolat. Bonbon caramel, esquimau chocolat. Souriante et dynamique, nique-nique, c'est inouï. Les pouvoirs fantastiques, tic-tic, qu'elle se fit. La voilà propriétaire d'un magnifique cinéma. Pour faire marcher les affaires, tous les jours, elle remet ça. Demandez bonbon caramel, esquimau chocolat, facilement. Bonbon caramel, esquimau chocolat. Cette histoire est authentique, tique-tique, voyez-vous. C'est un petit gars typique, pique-pique, voilà tout. Car en tout état de cause, ici-bas pour aller loin, il ne faut pas faire grand-chose pourvu qu'on le fasse bien. Bonbon caramel, esquimau chocolat. Bonbon caramel, esquimau chocolat. Bonbon caramel esquimau au chocolat. Thank you.

bichonné, pomponné, parfumé, il sourit à la vie. Et voilà, c'est comme ça qu'il y a de beaux jours à Paris. Et voilà, c'est comme ça qu'il y a de beaux jours à Paris. So we heard three singers. The first one, Annie Cordy, very well known in her time, in Bonbon Caramel. And what she's singing about, I mean, those, if anyone is old enough to have been in the cinema in the Salle Pleyel or others in Paris, in her days, like 50s, 60s, 70s maybe, but 50s, 60s, first of all, you may, if you come from a different country, you go to a cinema, you want just the ouvreuse, the lady who shows you to your place, well, you kind of smile at her and sit down, but then she will shake a little bag in front of you because you were supposed to tip them. I mean, that's where they got their money from. So they show you the place, but then you have to tip them. And the same ladies or some others, then during intermission, they would go around with a big, tray in front, big tray in front of them, and then they would call. Bonbon chocolat, bonbon caramel, Eskimo chocolat. And they would sell these products. And Eskimo, actually, at the time, that was, they must have been some of the very first in France to actually put ice cream on a stick or between two wafers or something like that and wrap it so that it could be sold in a movie. But that's basically this. So then, and then you hear the crowd clamoring for bonbon, caramel, Eskimo, chocolat. And that's what, I mean, that was their popcorn. And usually quite good. The second one was Dalida in Bambino, slightly Italian. And this must be, she gives advice to a young kid who's totally fallen in love and never enamored of a lady probably older than he is, and she just gives him advice and say, don't forget it. I mean, don't try too hard. I mean, all you will have is heartbreak. And then she sings about Bambino. Go and play soccer like other kids in your age, but don't test out the love and jealousy are going to kill you. So this is, well, I don't think it's a mother. The mother would have just said, come home and stay here, and that's it. Probably an older sister of him who likes to give some advice. And then the last one is the Monsieur, Le Monsieur Olila. And this is the gentleman who walks down the Seine with flowers in his lapel. He uses a walking stick or cane and then goes along the Seine up to Notre Dame. And basically, they call him, he is the bringer of spring, and he is the person who then turns, when he comes, then everything turns gay and spring-like. And we would need maybe not only one but three of these guys, Mr. Lilacs. And the point is that actually, if we look at Paris right now, they are just as rainy as we are. It's rain, rain, rain. Mm. The main thing, however, is that the rain comes down at a much higher temperature. It's 55, whereas we are raining at 37 degrees Fahrenheit. So those were the three songs from Annie Cordy, Dalida, and Lucienne Delisle. Alors, voici un message. One,

pendant la partie. Ce sont airé, airé, airé. Y'a de la friture dans les histoires d'amour. On capte pas toujours le bon discours. Ceux qui passent le plat sans se parler, qui s'isolent dans leur télé. Y'en a qui parlent d'unité sur la terre, qui lâchent l'affaire vite sa galère. Des losers en voie d'apparition, qui se mélangent sur tous les crayons. Oh. Mélangeons-nous, mélangeons-nous, les blancs, les noirs, les bruns, les rouges. Mélangeons-nous, mélangeons-nous, comme les odeurs qui naissent dans les cuisines, le maf et des fêtous. Mélangeons-nous, mélangeons-nous, c'est le mélange qui donne le goût. Mélangeons-nous, mélangeons-nous, comme les couleurs qu'on voit dans les vitrines, faut casser les verrous. On a besoin juste d'un peu d'amour, mais qui détient la potion pour? Pour qu'on mélange tout en caresse nos forces et nos faiblesses. Mélange les doigts, mélange aussi la tendresse, les traditions, les villes, les promesses. Tous les drapeaux, les odeurs de peau mate et satinée dans l'allégresse. Mélangeons-nous, mélangeons-nous, les blancs, les noirs, les bruns, les roux. Mélangeons-nous, mélangeons-nous, comme les odeurs qui naissent dans les cuisines, le maf et du fécou. Mélangeons-nous, mélangeons-nous, c'est le mélange qui donne le goût. Mélangeons-nous, mélangeons-nous, comme les couleurs qu'on voit dans les vitrines, faut casser les verrous. Mélangeons-nous, mélangeons-nous, les hommes, les femmes, les sages, les fous. Mélangeons-nous, mélangeons-nous, comme les couleurs que les peintres imaginent pour nous donner du goût. Un fin apprentissage de cérémonie, qui la joue direct entre les hommes et Irie. Si t'es pas dans la vague de penser à lui, qui va changer ta vie. Pour tous les barbalous qui nous font plaire, qui mélangent leurs discours, mais pas leurs affaires. Si tu restes isolé, Manon ne pourra rien faire. Fais passer la tendance par le ragam au fin front. Mais non, mélangeons-nous, car c'est notre seul champ. Mélangeons-nous, mélangeons-nous, les blancs, les noirs, les bruns, les roux. Mélangeons-nous, mélangeons-nous, comme les odeurs qui naissent dans les cuisines, le maf et des fêtous. Mélangeons-nous, mélangeons-nous, c'est le mélange. Mélangeons-nous, mélangeons-nous, comme les couleurs qu'on voit dans les vitrines, faut casser les pieds. Mélangeons-nous, mélangeons-nous. Well, we heard Pauline Esther in Le Monde est Fou from her album, The Monde est Fou, Le Monde est Fou. And, well, what she sings is basically just a kind of weird juxtaposition of words. It's play on words, and they're beating each other with baton and then with a stick and bamboo. And these are things that have to rhyme. And one portion, someone has joined the police force of her friends. I mean, it's all, it is a kind of a topsy-turvy song, but that's what the title seems to indicate. I mean, tout le monde est fou. The whole world is crazy. And the second one is less crazy. I mean, it's Princesse Erika. She sings about mélangeons-nous, let's mix. And what she means is let's simply intermarry, let's mix, and let's have a well, uniform world. I mean, where everyone is equal, because they all more or less come from the same background. But mixing is the important thing, and this is repeated and repeated throughout the entire song. Merci, Olaf. Alors, je crois qu'on a le temps pour une seule chanson avant l'heure. Et on va écouter F. Alors, on va par chaque lettre de l'alphabet. Et cette fois, Jacqueline François va vous chanter « Est-ce ma faute à moi ?» Éteins la lampe, écoute-moi. Et surtout ne dis pas un mot. Ce soir, c'est la dernière fois que nous chantons notre duo. Voilà, c'est bref et c'est brutal. Non, je ne pourrai plus rester. Évidemment, ça te fait mal, mais je te dois la vérité. Est-ce ma faute à moi si j'ai connu d'autres caresses, si j'ai connu d'autres ivresses? Si j'ai tremblé dans d'autres bras, est-ce ma faute à moi? Lorsque tu me dis des mots tendres, si je ne sais plus les entendre, s'il me les a dit avant toi. J'ai beau te trouver plein de charme et reconnaître ta douceur, même quand tu m'aimes avec des larmes, ton bonheur ne touche pas mon cœur. Est-ce ma faute à moi si je l'aime encore plus que toi? Vraiment belle, Jola. Oui, c'est Jacqueline François et Est-ce ma faute à moi? Is it my fault? And she sings about, I have to tell you, even if it sounds brutal, I couldn't stay, but I owe you the truth. It is, I have found someone else. I have had caresses by someone else. I feel good in someone else's arms. And I recognize your sweetness, your charm, but even your tears won't make me come back. I have to leave. And is that my fault? Jacqueline François was really a wonderful singer. Just a gorgeous voice. Well, it's time to tell you it is 9 p.m. Central Daylight Time here in Minneapolis, St. Paul. And c'est 21 heures, n'est-ce pas? 21 heures. Ici. Temps local, heure locale. Temps local, heure locale. Et en France? 4 heures. 4 heures du matin. 4 heures du matin. Et c'est 55 degrés Fahrenheit. Ah oui, il regardait voilà. Son appareil. Il pleut. It's raining in oui, Paris. Oui, oui. À peu près la même chose qu'ici, seulement ils n'ont pas de neige. Ça, oui. Tandis que nous, ça, il y a de la neige mélangée avec notre pluie. Donc, At least it hasn't frozen here. Oui. You have some news from France? Well, I have a couple of things. I mean, first of all, just to let our listeners know that the Festival of Cannes is from the 15th to the 23rd of May. I mean, since we just come out from a festival of film festival, international film festival here, mm-hmm. organized by the Film Society of Minnesota, mm-hmm. who, by the way, one film has been carried over, which is the Knowing the Unknown, or Knowing, let me see, it's called... From the Minneapolis Festival? From the Minneapolis mm-hmm. Festival. At least we're still, this is still carried over. But in Paris, not in Paris, good grief, this is all in Cannes, all kind of new films are coming up, and there are many from France, but then Italy, Darker Than Midnight, Hope by Boris Lokin in France, United States with David Robert Mitchell, It Follows, and even the Danes are there with When Animals Dream. And then a lot of shorts, which the Minneapolis Film Festival also showed. So that's so much for the film festival. But speaking of cultural events, one more thing needs to be said, which is quite interesting, and that is that Paris has opened, or has opened in the Musée du Quai Branly, which is called the Indiens des Plaines. So they are presenting artifacts and art from Plains Indians. And apparently, it's quite a this will go till 20th of June, hmm. July. So if any one of you goes there, I mean, check it out. And they seem to be quite interested. Oh, they're fascinated with the story of the Far West. And this is not the, Far West. This is Plains. The American, the indigenous people. These peoples. Are the Plains. And so what they appreciate especially is how the artwork that has been carried out, the paintings on buffalo hide and others that have been presented mm-hmm. by a culture that essentially was oral tradition. But no written sequence, so they find it amazing how these historical facts and how this had been has been transmitted, and that of course is the hallmark of Native American society, that they transmit their stories through the elders mm-hmm. and through dance and through storytelling. And then another thing that they're also very happy about is there's also one section that depicts Indian art from the Plains Indians from the 60s, in which they now use different media, in which mm-hmm. they use different approaches, but still conserve the basic idea or the essence of their culture and of their art. So that's kind of interesting. However, one thing they talk about the Indiens des Plaines, this is the zone between the west of the Mississippi. Yeah, that we know that till the beginning of the Rockies, and from east west, and from Canada, Alberta, Saskatchewan, Manitoba, to the Gulf of Mexico, in north Sioux. And they talk about Apaches, Cheyenne, Comanche, Sioux, and others. And where are our Lakota? I mean, we should send them a... Mm-hmm. Hey, you should... You might be surprised, our listeners might be surprised, that I met some French tourists who were touring specifically the West for that, to see the life of the West, and especially of the Plains indigenous peoples. So there are tours set up in France. Oh, yes. That's quite a few French people are coming here to see that. But both the French and then the Germans are totally great gaga travelers. About yes. the Indians. So that's. Yes. But then one, a couple of other things that are kind of positive there. They show do show films, and they show the development of the bad Indian in the silent movies. I mean, in the against whoever the cowboys and so on, and then up to the change of this image, and mm-hmm. Of course they talk about the image of the. Who was it? Dancing with Wolves. Oh yes. Which is a very positive. Gives a very positive. Mm-hmm. So anyway, that's. But they are quite interested, and they give quite a lot of space, new space to this exhibit, and so that's very very nice. And if you don't get to Paris, you will see it, and you can see it later in Kansas City, or the Metropolitan Museum of Art. In New York, and maybe we can even get it here. I mean, who knows? I remember seeing some beautiful things over at the Weizmann Museum, a robe made of, I believe it was buffalo hide that was white, yeah. that had paintings of the hunt, yeah, it no, seems it's, to me, they by Native peoples. Yes. Just an absolutely gorgeous but thing. But the Minnesota Institute of Art also has one yes. wing. In which, that's right, or maybe it was the Art Institute. In which Native art is mm-hmm. is shown. And it's amazing. It's amazing how people who have to struggle for their existence. I mean, this is not an easy way to even if you're left alone and no one chases you or yes. tries to get you away out of your habitat. Even then, it's a very rough life. Mm-hmm. And how people in those conditions then still are able or have the urge to produce art. Mm-hmm. So that's just apparently a very positive and positively received exhibit in Paris. Oh, I know there's huge interest in the indigenous peoples. Alors, vous êtes à l'écoute de Bonjour Minnesota. Moi, je suis Caril. Et moi, je suis Olaf. Et ce soir, notre musique... est basé sur l'alphabet. Alors, les artistes ont les noms. On vient de jouer les A, B, C, D, E. Et on venait d'entendre Jacqueline François, F. Et voici encore Brigitte Fontaine avec F. Et on va ajouter les G aussi. Bref, d'abord, Brigitte Fontaine vous chante « Les hommes préfèrent les hommes » qui va être suivi par Yvette Giraud, avec G. Avril au Portugal, qui était populaire ici aussi. Suivi par Juliette Gréco, rue des Blancs-Manteaux. Les hommes préfèrent les hommes, ils sont très belles comme les bijoux de la reine. Dans le coffre d'ébène, même chez les truands, on les voit dans le sang, agitant leur sacrum. En hommage à Sodome, les hommes préfèrent les hommes. Les hommes préfèrent les hommes. Dans la pègre et les guerres, on les voit tels des frères, ennemis se saignant pour les mignons régnants. Ramdam chez les valseuses, surin et sulfateuses. Les hommes préfèrent les hommes, c'est tant pis pour nos pommes. Les hommes préfèrent les hommes, les hommes préfèrent les hommes. Il y avait jadis les blondes, les actrices, mais c'est l'air du Verseau, surtout chez les barbeaux. Le milieu, la mafia, la délire. laisse aux cent doigts, barbouillé de sang yang. Comme le yang c'est qu'un, les hommes préfèrent les hommes, c'est naturel en somme. Les roses en a assez, des vampes et des poupées. Il lui faut un grand nombre de dards et d'œillets sombres, de muscles, de poils de rue, de violence et de cul. Puisqu'ils sont tous pédés, songeons à nous armer. Les hommes préfèrent les hommes, c'est tant pis pour leurs pommes. Les femmes préfèrent les femmes, c'est un joli programme. Ce qui m'est arrivé sous un ciel où l'été s'attarde, histoire d'amoureux, voyage aventureux que pour mes jours heureux je garde. Un grand navire à quai, la foule débarquait, deux yeux sous des bouquets. Regarde, l'amour devait rôder, puisqu'on s'est regardé, et mon cœur s'est mis à chanter. Avril au Portugal, à deux, c'est idéal. Là-bas, si l'on est fou, le ciel est plus que beau pour un sentimental. L'amour existe-t-il ailleurs qu'au Portugal en avril? Le soir, sous mes yeux clos, glissant au fil de l'eau, je vois par le hublot la rive. Des voiles de couleurs, de lourds parfums de fleurs, des chants de bateleurs m'arrivent. Tout ça berce mon cœur d'un rêve de bonheur où les regrets ailleurs me suivent. L'amour devait savoir en nous suivant le soir que j'aimerais un jour le revoir. Avril au Portugal, à deux, c'est idéal. Là-bas, si l'on y le ciel est plus que beau pour un sentimental. L'amour existe-t-il ailleurs qu'au Portugal en avril? Avril au Portugal. Dans la rue des blancs manteaux, le bourreau s'est levé tôt, c'est qu'il avait du boulot. Faut qu'il coupe des généraux, des évêques, des amiraux, dans la rue des blancs manteaux. Dans la rue des blancs manteaux sont venues des dames comme il faut, avec de beaux affutiaux. Mais la tête leur faisait défaut, elle avait roulé de son haut, la tête avec le chapeau. Dans le ruisseau des blancs manteaux. It's time for some live music. This Wednesday, April 30th, as KFAI's Live from Studio 5 presents Live from Studio 5 Live at the Nomad, a music showcase and fundraiser for KFAI, featuring the music of Hot Cellars, Breakfast Anytime, and Some Pulse. Join us for a live broadcast and bring your dancing duds for the video. This Wednesday, music starts at 9 at 501 Cedar Avenue in Minneapolis, the Nomad. Hi, I'm Eve, inviting you to join me every Tuesday from noon to 2 p.m. on Corazon Latino for our weekly journey straight to the heart of Latin music, from the classics to the latest local productions, music for dancing and music to transport you to a tropical space, here on your community radio, KFAI. La invitación es para los martes, desde las 12 mediodía hasta las 2 en la tarde. Corazón Latino, su transporte directo al corazón de la música latina en su radio de la comunidad KFAI. So we heard, we now have progressed to Brigitte Fontaine, Les Hommes Préfèrent Les Hommes, F, Yvette Giraud, in Avril au Portugal, and Juliette Gréco, G, Rue des Blancs Manteaux. Okay, so Brigitte Fontaine, in actually a deep voice, sings about les hommes préfèrent les hommes, men prefer men, and well, all it goes about is, of course, has to do with they go to war and they show their muscles and they like each other and they like go to, well, I mean, have competition and so on. So basically, she kind of mocks men somewhat. Yvette Giraud, a very, very popular song, Avril au Portugal, April in Portugal. And it has really Mediterranean, I mean, or Portugal is not on the Mediterranean, of course, it's of the Atlantic, but it has these very melodious song about, well, it's spring in Portugal and life in Portugal when the sun is shining and so on. So we don't seem to get away from the sun, shining sun. and then Juliette Gréco, Rue des Blancs Manteaux, and the Rue des Blancs Manteaux is in the fourth arrondissement, is near in the Marais area and near the Rue du Temple. And she sings about bishops who are going there and all kind of people who pass through la Rue des Blancs Manteaux. And the Blancs Manteaux, if we look at the various orders, these are the brown ones are the Dominicans, the white ones are the Franciscans, or is this the other way around? This is monastic orders who have... Je ne peux pas te dire. Okay, well, anyway. I think you're right. It refers to the kind of coat or that the monastic orders mm-hmm. are wearing, and it's the Rue des Blancs Manteaux, Street of the White Coats. Here's some announcements for what's going on in the Twin Cities for people interested in things French. Well, the Matisse exhibit is still playing, or still on, at the Minneapolis Art Institute. It's the Matisse exhibit is from the Baltimore Museum of Art, and it will be on until sometime in May. I'm not sure of the cutoff date, but don't miss it. It's an outstanding exhibit of works that were purchased from the artist himself by these two sisters who were quite wealthy, and well, it mainly stays in Baltimore, but Baltimore Museum is doing some renovations, so this is your chance to see these wonderful works by Henri Matisse. Also, the Walking Shadow Theater Company is presenting a new version, a new translation for the Three Musketeers. It'll be in English, of course. It's a new adaptation of the novel by Alexandre Dumas. It's directed by Amy Rumani, presented by the Guthrie Theater. It will be at the Guthrie Theater in the Dowling Studio May 9th through the 25th of this year. Here's a little bit about it. D'Artagnan yearns to join the King's Musketeers, but will his sharp sword and quick wit let him survive Paris's treacherous labyrinth of intrigue, slander, and duels, and the mysterious Milady, a swashbuckling adventure for the stage? They have we have their folder here. We will follow them along, an interesting group that I had not heard of before. We'll try to get someone in to speak to us about this Walking Shadow Theater Company. Many things going on at the Alliance Française, as always. There will be a silent auction. It says you couldn't make the spring gala on April 3rd. Well, you can still find some items. Support the Alliance Française by participating in their online auction. All proceeds from it will go to support the educational and cultural programming at the Alliance Française. You can also sign up for a French cultural experience with one of the great gatherings. So you can take a tour of the Basilica of St. Mary with expert Johann van Paris. Visit the Minneapolis Institute of Arts of Africa and the Americas collection with curator John Lodovic Grutiers. Learn to play pétanque, or spend the afternoon touring the state capitol with Secretary of State Mark Ritchie. Reserve your place and meet with other community members who share your interests. To visit the auction, contact Anna with any questions. The Alliance Française telephone number is, let's see, what is that? Well, here's their online number or address. bonjour@afmsp.org. And their phone, I've got that right here. If you're interested in participating in the silent auction, the phone number is 612-332-0436 for the inline auction. Silent auction. A photography exhibit has already started. It's Point de Vue by French photographer Fabie Rapuzzi. It will be on for a while, so you can go and check it out at the Alliance, perhaps at the upcoming Petit Déj on this Saturday. It's a breakfast conversation group at the Alliance from 9:30 to 11:30, Saturday, May 3rd, the first Saturday of each month. It's at the Alliance Française, great fun, not only talking to the people, but they serve terrific French bread and croissant. And they usually say who furnished it here, but it isn't here. This is Arnaud. I don't know, but used I don't know to. Who is it. Mm-hmm. You'll have a chance to hear about the modern-day French explorers, Marine et Laurent. They went on a trip down the Mississippi River. So you'll have to hear about their reportage on Grand Détour, which leads them down 9 of the largest rivers in the world. Sign up for a workshop. You can do many different workshops starting on Saturday, May 17th, 1 to 4. There will be one on les temps du passé, passé récent, passé composé, l'imparfait. You can improve your French, learning of the tenses of the past. Pronunciation, part 2. That's already taken place. Sorry, you missed that. May 10th, Qu'est-ce que l'Europe? Take a Saturday afternoon, May 10th, 1 to 4. Learn more about the European Union, the Eurozone, the Schengen area, which I don't know about, and the history and meaning of these communities. That area has to do with ease of traveling and ease of passport and visa restrictions. I mean, also if you're in within this area, then getting a visa for visits to the United States and vice versa are facilitated. Oh, if you're great. There are also some classes you could have from May 15th to the June 12th. That's 6 to 8 p.m. An Introduction to African Literature, Thursday, May 15th through June 12th, 6 to 8 p.m. And this sounds like a fascinating one, Le Débarquement, Les 70 ans de Dédé. They say jour J in French, about the debarkment on the shores of Normandy some 70 years ago. That will be May 10th through June 7th. That's Saturdays, May 10th through June 7th, from 12:30 to 2:30. A children's camp called Les Petits Explorateurs coming up soon for children and youth age 4 to 18. A variety of French experiences. If you register through April 30th, you will receive an early bird discount. There's all kinds of different themes for this. Visit the website. Call the office to register at 612-332-0436. There is a discount for members of the Alliance to the Three Musketeers on May 11th, 14th, and 15th at the Guthrie. A big expedition to France led by very competent and wonderful leaders of the Alliance. It's an adventure in French pottery, art, wine, and food. It will take place October 9th through the 18th. They will visit Marseille, Aix-en-Provence, Avignon, Uzès, Vaison-la-Romaine, where it was last spring. It was beautiful. Dieu le fit, Paris, La Borne. There's only a few spots left. You will visit pottery villages, ceramic centers, and studios of artists. You will tour selected wineries and dine in carefully chosen restaurants. Sample the fabulous wines and great foods of the region. Call to reserve your spot or get more information. 612-332-0436. The Lyra Baroque Orchestra on Saturday, May 3rd, this coming Saturday, will perform at Sundin Hall on the Hamlin campus. That's the 3rd on Saturday at 8 p.m. and Sunday, May 4th at 3 p.m. in the Baroque Room. Guest soprano Catherine Webster performs Orpheus, The Whole Story by François Couperin. For more information, email the Alliance Française and check it out. Again, a discount for Alliance Française members. Wednesday, April 30th, from 8:30 to 11:30, the Franco-American Chamber of Commerce and the Minnesota Trade Office presents CE Marketing Machinery and ROHS2, or Squared Directive Compliance. You got me there, Olaf. ROH2S2 or S2, Directive Compliance. Well, those of you out there who are listening that understand this might be interested. Is at the SCSU Twin Cities Graduate Center. For more information, go online or call the Alliance. Et voilà pour les annonces. Revenons à notre musique, hein? Eh bien. Bien sûr. On va écouter maintenant. Oh, j'adore cette chanson, une chanson de Trenet, chantée par Françoise Hardy, très célèbre et toujours célèbre en France. Françoise Hardy, H cette fois, parce que nous faisons des noms par l'alphabet. Elle va vous chanter « Que reste-t-il de nos amours ?» Et ça va être suivi par Irène et François Jacob, qui va vous chanter « En bas de chez nous ». Et voilà. Qui frappe à ma porte me parle des amours mortes devant le feu qui s'éteint. Ce soir, c'est une chanson d'automne dans la maison qui frissonne. Et je pense aux jours lointains. Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo de ma jeunesse. Que reste-t-il des billets doux? Des mois d'avril, des rendez-vous, un souvenir qui me poursuit sans cesse. Bonheur fané, cheveux au vent, baisers volés, rêves mouvants. Que reste-t-il de tout cela? Dites-le-moi. Un petit village, un vieux clocher, un paysage si bien caché. Et dans un nuage, le cher visage de mon passé. Les mots tendres qu'on murmure, les caresses les plus pures, les serments au fond des bois, les fleurs qu'on retrouve dans un livre dont le parfum vous enivre, se sont envolés

So we have Françoise Hardy in Que reste-t-il de nos amours, in which she sings about, well, what remains of our love. And her male companion sings, they alternate, well, and what remains, a little, the memory of a church spire, the memory of a landscape, the memory of a little village, an old photo, and so... It's kind of a slightly melancholic review of their past and how things were in the old days. But it's kind of a nice film, song, if you wish. What remains of our love? And the other one, actually, I have to admit, I j'ai triché un petit peu. I had to kind of... squeak it a little bit. I couldn't find any female singer, French female singer, whose name starts with an, I mean, the last name starts with an I. So I slipped in Irène et François Jacob. At least they are Jacob, so it's getting down to the J after H. But it's kind of a little twist here, or stretching the thing, but it's Irène. And En bas chez moi, well, it's a little song about under their window and in the building where they are, there are various things are happening and things are different from, some people don't hang out a flag, others amuse themselves otherwise, and people are different, and basically that's the story here. Merci. Hi, I'm Eve, inviting you to join me every Tuesday from noon to 2 p.m. on Corazon Latino for our weekly journey straight to the heart of Latin music, from the classics to the latest local productions, music for dancing and music to transport you to a tropical space, here on your community radio, KFAI. La invitación es para los martes, desde las 12 mediodía hasta las 2 en la tarde. Corazón Latino, su transporte directo al corazón de la música latina en su radio de la comunidad KFAI. Programming is supported by AMPERS and the Minnesota Arts and Cultural Heritage Fund, providing programming for music lovers at AMPERS.org. AMPERS features hundreds of performances by Minnesota jazz, rock, Americana, and classical acts. Information and audio at AMPERS.org. AMPERS, diverse radio for Minnesota's communities. Did you know KFAI can take your old car, truck, motorcycle, or camper donation? It's true, and what you may not know is it's easy. Log on to KFAI.org to find out more about donating a vehicle to sustain KFAI programming. It doesn't matter if you drove it last week or last decade. We can tow it away and let it serve you one more time through funding the radio you love. Donate a vehicle at KFAI.org. Well, last week we interviewed Dan Chouinard, the pianist, and on our program, because he couldn't get the piano in the studio, he played the accordion. And what a great performer Dan is. Very interesting, too. Then, Olaf, you want to tell him about the Sunday thing? Well, he had a show on Sunday at the Alliance Française called Pop Transatlantique. It was a show and a explanation of texts. And basically what he did, he took songs that either had originated in France or Italy. He also is quite interested in Italy and has traveled there. And then cross the Atlantic and become English hits, or the other way around. things originating here and then going across the Atlantic and being hits in Europe, France, especially France and Italy. And the interesting thing is that the way sometimes the texts are translated, some are very close to the spirit of the spirit and words and rhythm of the original, and others go a little bit more astray. But I mean, it was a very fun session. People were singing along, and actually, this was launched as some kind of a trial balloon, because I think they are seriously thinking about if there is enough interest to do these once a month or at various intervals. Because Dan Chouinard, he has sing-alongs in St. Anthony Park, which is in St. Paul. He has sing-alongs in Minnehaha Park. Oh, really? I mean, it's quite. I know it was Loring Park too. Loring Park, and it's quite. So these are monthly venues and monthly programs, and the guy, I mean, must be moving from one to the other and then doing other shows. So he's quite a versatile. Performer. A very entertaining performer. He announced that, well, he and Maria Jetty, who have appeared on the Garrison Keillor program, also are taking the cruise. And they will be entertainment with the Garrison Keillor cruise coming up to, where is it? They take off from England and... From Dover, and they will be going to the easternmost is St. Petersburg. Oh, St. Petersburg, yeah, that's but, right. But, I mean, that would be fun. I mean, both he and Maria Jetty are... Maria Jetty, as well as he... sings from the most serious, the most esoteric classical music, and she can go to Jerome and to popular songs, and she also is not about making fun of music. Sometimes I've heard her Garrison Keillor's show. So we'll try to keep track of Dan's appearances so that our audience can have a chance to see him and listen to him. He's really a wonderful performer, as is Maria Jetty. Yes. At the appearance thing, at the sing-along at the Alliance Française, we met quite a few interesting people, including someone that we hope to interview, Josette, who is a singer, Josette Antomarchi. I believe maybe in American they would say Antomarchi. And we hope to have Josette along with... Sandra? Sandra. We'll see. Coming up possibly May 13th, yes, we hope. They have produced a kind of a video show in Paris, and they're going to translate in English, but it would be fun to hear what they have to say about this program and other programs they may have, because Josette, of course, is French, and I hope we'll push French songs and French points of view. A very enthusiastic singer. So let's... I've got a couple announcements here. This coming Sunday is the annual May Day Parade in South Minneapolis. Join KFAI as we broadcast live from Cedar Field with our pre-parade special. I'm Yvette Howie. And I'm Dave Roberts. Dave and I will be your hosts as we hang out with the marchers at Cedar Field. We'll have music, features, and interviews as the marchers get ready and the excitement builds. Our broadcast begins at 10 a.m. Sunday and runs until the parade begins at noon. Come out and enjoy the annual May Day Parade on May 4th. And listen to KFAI's pre-parade special, the perfect way to celebrate spring. It's time for some live music. This Wednesday, April 30th, as KFAS Live from Studio 5 presents Live from Studio 5 Live at the Nomad, a music showcase and fundraiser for KFAI, featuring the music of Hot Cellars, Breakfast Anytime, and Some Pulp. Join us for a live broadcast and bring your dancing duds for the video. This Wednesday, music starts at 9 at 501 Cedar Avenue in Minneapolis, the Nomad. OK, alors, on est presque à la fin de notre programme. Est-ce que vous voulez continuer avec oui, cela? Oui, ou... comme ça, c'est, d'accord. C'est fait, au moins les deux prochains. Et puis, Juliette va vous chanter pour J. Juliette chante au Petit Musée. Gloria Lasso. Non, Patricia Casca. Patricia Kaas va vous chanter Cœur brisé. Au petit musée des trucs oubliés, abandonné tout au fond du grenier, que de mystères sur les étagères, noyés de poussière légère. Drôle de collection qui ne vaut pas un rond, objet menu qu'on avait cru perdu. D'à peine hier matin, quand l'automne semblait loin. Au petit musée des trucs oubliés, pas de vitrine, ni dorure, ni feutrine. Et l'esprit s'égare dans les allées du bazar. Une bague tordue, une poupée nue, des cheveux en tresse, un vieux carnet d'adresse, petit fond de poche de quand t'étais mioche. Et voilà l'automne qui s'approche. Au petit musée, les trucs oubliés, y a pas de guide, et nos regards humides dévorent la madeleine de photos anciennes, de gens qu'on reconnaît à peine. Les perdus de vue, les chers disparus, les incertains et les sans lendemain, une foule disparate laissée dans des boîtes que l'automne attend sans hâte. Qui ne valent pas un rond, des petits je ne sais quoi qu'on regrettera quand l'automne sera là. J'ai mis mon cœur dans une écharpe de laine, jeté les fleurs des vases de porcelaine. Il va couler bien des jours sous le pont de notre amour, sans que je puisse t'oublier. J'ai accroché des rideaux gris aux fenêtres et j'ai brûlé nos photos et tes lettres. L'amour est-il si pressé de toujours vouloir s'en aller? Dites-moi si vous savez où sont vous les cœurs brisés quand ils ont fini d'aimer. As we listen to these songs, this was Juliette au Petit Musée, that which has all kind of a heteroclite collection of old stuff. And then Patricia Kaas, Et Cœur Brisé, Broken Hearts. But my SOS goes out. I don't have a singer that starts with O. So please, if you can think of one, if you find one, please call KFII, call us. I mean, not now or during the week. This is the one point, the sticking point. So I don't know what I will do. Au revoir to all our listeners. Yeah. Until next week. Until next week. Thank you for listening. Au revoir, voilà. Au revoir, Karil. Stay tuned for the Balkan Jamboree. You're listening to Fresh Air Community Radio, KFAI, 90.3 FM in Minneapolis and 106.7 FM in St. Paul, and on the web at kfai.org, radio without boundaries. I'm Nikolai, and you're with Balkan Jamboree.